Semper et Adem. D'où vous vient, disiez-vous, cette tristesse étrange montant comme la mer sur le roc noir et nu? Quand notre cœur a fait une fois sa vendange, vivre est un mal, c'est un secret de tous connu, une douleur très simple et non mystérieuse, et, comme votre joie, éclatante pour tous. Cessez donc de chercher, ô belle curieuse, et bien que votre voix soit douce, taisez-vous. Taisez-vous, ignorante, âme toujours ravie, bouche au rire enfantin. Plus encore que la vie, la mort nous tient souvent par des liens subtils. Laissez, laissez mon cœur s'enivrer d'un mensonge, plonger dans vos beaux yeux comme dans un beau songe, et sommeiller longtemps à l'ombre de vos cils.